France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous, on parlera de David Bowie et aussi on parle aujourd'hui de Todd Haynes. On pourrait dire que c'est le réalisateur de l'ineffable, une dizaine de films indépendants qui se plaisent à déconstruire une réalité. La culture pop, les années 50, le racisme ou l'oppression des femmes. Ce ne sont pas à proprement parler des comédies musicales, mais la musique est prégnante dans tous ces films, trois en particulier. Ce sont des sortes de portraits de musiciens ou des peintures d'un mouvement musical autour de figures qui le fascinent. David Bowie, Bob Dylan, le groupe Les Carpenters ou encore Peggy Lee, dont il va filmer bientôt la biographie. Alors que son dernier film, Carole, est sorti mercredi en salle, on a décidé de mettre, une fois n'est pas coutume, le Georges Cukor du 21e siècle, l'autre homme qui aimait les femmes, sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale. Ce qui nous donnera aussi l'occasion d'écouter de larges extraits de l'adaptation, pour le coup en comédie musicale à New York, de l'un de ses films les plus célèbres, Far From Heaven, Loin du Paradis, portrait fascinant et réaliste d'une mère au foyer qui vit dans une banlieue américaine dans les années 50. La raison était d'autant plus légitime que Todd Haynes raconte souvent qu'il est devenu cinéaste en raison d'un film dont il est tombé fou amoureux. Il avait 3 ans, c'était Mary Poppins. I did a glorious die, right as a morning in May. I feel like I could fly. Now, Bert, none of your larking about. Have you ever seen the grass so green or a bluer sky? Oh, it's a jolly holiday with Mary. Mary makes your odds so light. You haven't changed a bit, have you? When the day is grey and ordinary, Mary makes the sun shine bright. Oh, honestly. Oh, happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the dove. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like a big brass band. You are lightheaded. It's a jolly holiday with Mary. No wonder that it's Mary that we love. Oh, it's a jolly holiday with Mary. Mary makes your heart so light. When the day is grey and ordinary, Mary makes the sunshine bright. Oh, happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the dove. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like a big brass band. It's a jolly holiday with Mary. No we love. It's a jolly holiday with you, Bert. Gentlemen like you are few. A vanishing breed, that's me. Though you're just a diamond in the rough, Bert. Underneath your blood is blue. Common knowledge. You'd never think of pressing your advantage. Forbearance is the hallmark of your creed. True. A lady needn't fear when you are near. Your sweet gentility is crystal clear. Oh, it's a jolly holiday with you, Bert. A jolly, jolly holiday with you. I've been looking at your photographs. You are talented. Smile. But you're wasting your time. I think I can safely say you could get anything you want. Ow! By working for me, Cobb. What, and selling things to people who don't want them? Never things, Cobb. We don't sell things. We sell dreams. Rich! Mellow! Dazzling! Radiant! Fresh! King size! horrible sins and get away with it. Lust. Clutter. Un extrait d'Absolute Beginners, l'unique comédie musicale de David Bowie au cinéma. Il interprétait un élégant publicitaire qui embauchait le jeune héros du film, un photographe, Colin, et lui donnait une leçon en claquette pour lui expliquer comment réussir en commettant les plus horribles péchés capitaux. David Bowie, à qui Todd Haynes a consacré un film, c'était en 2003, Velvet Goldmine. Alors plus exactement, il avait consacré un film à cette période du glam rock à la fin des années 60 qui avait fasciné le réalisateur. Et dans le film, Jonathan Rhys-Meyer incarnait un double de David Bowie. Le héros de l'histoire, c'était un fan de musique à la fin des années 60. On reparle dans un instant de Todd Haynes. On parle un instant de David Bowie qui, comme la presse l'a dit, était un caméléon. L'exposition que lui a consacrée la Philharmonie de Paris l'an dernier montrait de façon fascinante combien Bowie, homme touche à tout, acteur, chanteur, écrivain, avait eu un projet de comédie musicale qui finalement n'avait pas abouti, l'adaptation de 1984 de George Orwell. Et à la Philharmonie, on pouvait voir une scénographie délirante et un déroulé du spectacle en storyboard. Il avait recycler certaines chansons de cette comédie musicale avortée dans son album Diamond Dogs. Le dernier projet de David Bowie sera aussi une comédie musicale qui actuellement fait le plein à Broadway. C'est Lazarus, l'adaptation du film dont il fut acteur, L'homme qui venait d'ailleurs, histoire d'un extraterrestre, atterrit sur Terre où il veut faire venir tous ses amis martiens. Le spectacle a ouvert le 7 décembre dernier. En présence de Bowie, il se refermera mercredi après plusieurs prolongations et les producteurs viennent annoncer que le spectacle sera ensuite joué à Londres. Alors c'est une comédie musicale qui mélange à la fois d'anciennes chansons de Bowie et puis des nouvelles qu'on trouve dans son dernier album, paru la semaine dernière, Black Star, dont cette fameuse chanson Lazarus, dont le metteur en scène du spectacle a dit que Bowie y avait mis en scène sa propre mort. À New York, le rôle principal est incarné par un acteur extraordinaire, Michael C. Hall, que vous connaissez certainement pour son rôle principal de Dexter, le meurtrier, ou dans Six Feet Under. Je vous propose d'écouter cette interprétation par Michael C. Hall de Lazarus et je vous lis les paroles. Lève les yeux, je suis au ciel. Mes blessures, on les voit pas. Mes histoires, elles m'appartiennent et tout le monde me connaît. Tu vois que je suis en danger et que j'ai plus rien à perdre. Je suis si haut. Ça fait tourner. Là, mon portable est tombé, c'est moi tout craché. Quand je suis arrivé à New York, je vivais comme un pacha. J'ai claqué tout mon pognon, c'est ton cul que je cherchais. Maintenant ou jamais, je suis libre comme l'air, comme cet oiseau bleu, c'est moi tout craché. Thank you. around. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. Si vous aimez Bowie, je vous conseille bien sûr ce soir sur France Musique d'écouter le Label Pop avec Vincent Théval qui reviendra sur la carrière de ce poète. C'est à 20h30 sur France Musique. Place à la grande affiche ce matin, le réalisateur Todd Haynes avec Carole, son dernier film qui est sorti mercredi. Un magnifique portrait de femme au pluriel inspiré d'un roman de Patricia Highsmith. L'histoire de Carole, femme mariée, mère d'un enfant, femme divorcée qui se bat pour conserver la garde de son enfant alors qu'elle est menacée de amoralité en raison d'une liaison avec une autre femme. C'est donc le portrait d'une femme tiraillée entre son mari véhément, la famille de son mari et puis sa liberté. Comme souvent, Todd Haynes plonge sa caméra dans les années 50, retrouve le chromatisme de ces années, de ces pellicules, et une bande originale magnifique, signée Carter Burwell, avec des morceaux de l'époque, comme cette chanson de Billie Holiday, ironiquement choisie. Ça s'intitule « La vie facile ». Thank you. And I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Your hand, darling, it's grand. They just don't understand. Living for you, it's easy living, it's easy to live. When you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. Todd Haynes est né à Los Angeles en 1961. Mary Poppins est un film qu'il raconte, lui donne envie de faire du cinéma, de dessiner, de créer des spectacles. Et il va réaliser ses premiers courts-métrages à l'âge de 17 ans. Le premier, ça s'intitule The Suicide, l'histoire d'un garçon qui se découpe en morceaux avec des ciseaux. Un film surréaliste qui mélangeait différents épisodes de la vie du personnage jusqu'à son suicide. Il y a aussi ensuite Assassin, film de fin d'études à Brown University, où il s'inspire de la relation entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Et puis Superstar. Alors avec ce moyen court-métrage, il commence à détricoter la culture pop. Superstar, c'est le titre d'une chanson pop du groupe Terrain Sucré, les Carpenters. À l'aide de poupée Barbie, il va raconter le destin tragique de la chanteuse du groupe, morte d'anorexie. Todd Haynes n'a pas réalisé de comédie musicale à proprement parler, mais lorsqu'il y a 2 ans, par exemple, on prépare un documentaire sur Stephen Sondheim, c'est à Todd Haynes qu'on demande de filmer l'une des séquences. C'est une chanson habituellement interprétée par une femme qui est reprise en contre-jour de façon très sombre et sensuelle par Jarvis Cocker. I'm still here. Good times and bad times, I've seen them all. My dear, I'm still here. Plush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer. But I'm here. I've stuffed the dailies in my shoes. I have strummed ukuleles, sung the blues. I've watched my dreams disappear. Still here. I slept in shanties, guest of the WPA. Now I'm here. Danced in my scanties, $3 a night was the pay. Now I'm here. I've stood on bread lines with the best, and I watched while the headlines did the rest. In the depression, was I depressed? Nowhere near. 'Cause I met a big financier, and I'm here. I've gotten through Herbert and J. Edgar Hoover. Wow, that was fun and a half. When you've been through Herbert and J. Edgar Hoover, well, anything else is a laugh. I've been through Reno, I've been through Beverly Hills, now I'm here. Reefers and vino, rescue, religion and pills, and I'm here. I've been called a pinko commie tool, but I got through it stinko by my pool. I should have been through an acting school, that seems clear. Still, someone said, "You're sincere." So I'm here. like Sable one day, the next day it goes into Hawk. But I'm here. Top billing Monday, Tuesday you're touring in stock. But I'm here. Oh, first you're another slow eyed vamp in someone's mother. Ooh, and then you camp. And then you career. From career to career. And I'm almost through my memoirs. And you know that I'm here. I've gotten through. Hey lady, aren't you Hoosers? Ooh, what a looker you were. Or better yet, lady, sorry, I thought you were Hoosers. Well, whatever happened to her? Good times and bum times, I've seen them all, and my dear, I'm still here. Plush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer, but I'm here. Well, I've run the gamut, A to Z, three cheers and damn it, c'est la vie. Well, I even got through all of last year. I'm here. God knows I was there, but I'm here. Over here. Over here. Look. Look who's here. I'm still here. Yeah, yeah, yeah, yeah. You better believe it. I'm still here. I'm still here. I'm still here. Tous mes films parlent d'outsiders qui résistent, que ce soit en matière de race, d'orientation sexuelle, raconte Todd Haynes. À partir de ce film décalé en poupée Barbie sur les dessous d'une icône de la pop, Karen Carpenter, Todd Haynes passe au long métrage avec une ambition, certes restée dans le cinéma expérimental, mais le mettre au service d'une histoire, d'un scénario. Il y aura Poison et Safe, où il parle de la sexualité, du sida, des films expérimentaux poignants, où la sexualité se transforme en affreuse épidémie. Il y aura les films plus musicaux, Velvet Goldmine, où il raconte les années glam rock de la fin des années 60. Il y a I'm Still Here, justement, où il renouvelle le biopic en racontant la vie de Bob Dylan à travers six acteurs différents, dont une femme et une enfant dans six styles différents. Et puis il a signé pour réaliser la biographie de la chanteuse Peggy Lee. Enfin, Todd Haynes a un don particulier pour signer des portraits sensibles de femmes. Il y a Carole, sorti mercredi dernier. Il y a Loin du paradis, en 2002, adapté en comédie musicale, il y a 2 ans. Et puis, il y a une série télé, Mildred Pierce, adaptation d'un roman de James Caan sur une mère de famille de classe moyenne dans les années 30 à Los Angeles, à l'époque de la Grande Dépression, une femme trompée par son mari. Avec dans la série, un petit bout de comédie musicale, révélateur du personnage. Je suis toujours en train de chercher des arcs-en-ciel. Find the rain. Some fun. On en arrive à Far From Heaven, Loin du Paradis, le film de Todd Haynes en 2002. Là, c'est la déconstruction de la cellule familiale heureuse des années 50 que propose Todd Haynes, le portrait de ce qui se cache derrière, la porte d'un joli pavillon de banlieue dans le Connecticut, une femme mariée au bord de la crise de nerfs, mariée, deux enfants, elle s'ennuie, ses voisines ne peuvent être des confidentes, et elle découvre en plus que son mari la trompe avec un homme. Par-dessus le marché, lorsqu'elle tombe amoureuse d'un jardinier noir, toute la ville va en parler. Voilà, d'un coup, Todd Haynes parle de racisme, d'homosexualité, de préjugés, dans des couleurs saturées. C'est Julianne Moore qui interprétait au cinéma Cassie. La musique du film, écoutons-la un tout petit bout, signée Elmer Bernstein. Un tout petit bout parce que, en fait, Far From Heaven, ce film a été adapté en comédie musicale il y a 3 ans à New York. Et les auteurs se sont inspirés de cette musique d'Elmer Bernstein au tout départ. Voici la première chanson qui plante le décor. Cathy chante qu'elle vit dans une jolie carte postale, en fait. Ses paroles, eh bien, c'est feuilles d'automne, les trottoirs. J'adore juste, chante-t-elle, le goût de cette banlieue. C'est Kelly O'Hara qui reprenait le rôle de Cathy, la mère au foyer. Pretty as a postcard, the leaves in fall. Filling up the driveways, the sidewalks, I just adore the feeling of it all. It's autumn in Connecticut, my favorite time of year. Come autumn in Connecticut, the air is crisp and clear. Just feel that extra smell. In the atmosphere of Hartford. Shari Seeger says new ballet slippers only cost $5 or $6. Please, can I get them, Mother? Please, can I? We'll see. Supper for the children at 6:15. Janice, it's bath time. David, lay your father's suit out, then scoot out and rake the lawn in time for Halloween. Oh, shucks, how come Janice doesn't gotta? Doesn't have to, and don't swear. It's autumn in Connecticut, a wonderland to me. The splendor of Connecticut is everywhere to see. The way October turns New England to a symphony of color. Kathy. Well, hello, stranger. Aren't I seeing you in about 3 hours' time at Mona's? You are, but I just left the caterers this instant, and I had to dash over with the samples for your party next month. Ready? Show me. Periwinkle blue is dashing, combined with tangerine. You like? I like. Harvest gold is simply smashing with avocado green. You like? I like. Polka dots are prone to clashing, and buff is tough to clean. Indigo with gray and garnet. You win again, gosh darn it. All right, so I'll call the caterers in the morning, and honey, we are in business. Everything is changing, yet still the same. This fall I'm planting arborvitae. Oh? It's so practical and tidy. Nature is evolving, dissolving, just like a painted landscape in a frame. Plant your tulip bed half a year ahead. Lovely shrubs were gobbled up by grubs. It's autumn in Connecticut, ablaze in red and gold. When heaven made Connecticut, I swear they broke the mold. The place and reason why the season was invented for that picture postcard found in every rose and candy store. Thank you. Loin du paradis, Far From Heaven, le film de Todd Haynes, a été adapté en comédie musicale à New York, c'était en 2013, par le compositeur Scott Frankel et le parolier Michael Corey. Ce sont deux auteurs assez spécialisés dans la peinture de personnages qui vivent en marge de la société. On leur doit notamment l'adaptation de Grey Gardens à Broadway. C'est un documentaire des années 70 qui racontait l'histoire de deux Américaines excentriques et attachantes qu'ils avaient transformées en comédie musicale. Alors là, pour adapter le film de Todd Haynes, eh bien, ils ont considéré que les chansons prenaient la place de la palette visuelle du réalisateur. Ils ont considéré que les chansons étaient comme l'équivalent de gros plans sur les acteurs lorsqu'ils sont en position d'attente, de déception ou de doute. Et chaque personnage a sa petite musique dans le film, son style de musique. Par exemple, pour Frank, le mari, père de deux enfants, et qui découvre sa préférence pour les hommes, les auteurs ont choisi une musique jazzy qui rappelle le Leonard Bernstein des années 50. Le voici au bureau, au début de l'histoire, il n'a pas encore découvert qui il était vraiment, qui il aime vraiment, et on est presque dans la série Mad Men. Connie, grab the Peterson file. And brew me some Java, I may be here for a while. And Connie, can you type this up for me, first thing in the morning? Yes, Mr. Whittaker. Find out when UConn plays Notre Dame. The Indiana buyer's got a kid in the game. And please get my wife on the phone, then you can go for an evening. Thank you, Mr. Whittaker. And Connie, allow me to compliment you on looking fresh as a daisy at the end of a very long day's work. I don't know how you do it. Really, Mr. Whittaker? My, that is one fine piece. Just my luck, I'm stuck with two-ton Denise. Would care to trade yours for mine, would ya? It's not that she's portly, I mind, Stan. It's her stenography. You sly dog, what a day. The nerve of Milstein moving up the merchandising deadline a week. I'll say... What do you say we stop at Keeney's, meet some chicks before we gotta face the old ball and chain? Fridays at six with two martinis, man it swings, and if the meatloaf burns, let them complain. Not tonight, pal. Maybe some other time. A previous engagement? No, just burning the midnight oil here. Hope that the calendar moved up. I want to go over that second. Mrs. Whittaker's on line one. Thanks, Connie. You can go home now. Night, Mr. Whittaker. Mr. Fun. You could have a fine night indeed. Mr. Fine. Huh? Mr. Fine. Kathy, honey, I'm gonna be late. It may be several hours, so don't let dinner wait. I know, but they walloped us with this new deadline. And I... Yes, Mrs. Whittaker. Kathy, is my battle axe there? We'll send her home so we can have a torrid affair. That's just Stan, honey. Pay him no mind. No one here ever does. Good night, Mrs. Whittaker. Yes, of course I'll eat something. I saw a bag of pretzels earlier. Good night, darling. Working after hours with what you've got waiting at home, you kill me. Eleanor's waiting for you, Stan. Like that should thrill me. L'adaptation de Far From Heaven, Loin du Paradis, est quasiment opératique. Le spectacle est entièrement chanté, ou presque. La mise en scène était signée Michael Greif, qui avait fait la mise en scène de Rent, notamment. Alors, le film de Todd Haynes était très stylisé. Il s'inspirait des films de Douglas Sirk, les couleurs saturées, des cadres parfois expressionnistes, pour rendre compte de la tourmente dans laquelle plongeaient les personnages. Pour adapter ce style sur scène, les auteurs ont choisi de recourir à des sortes de leitmotifs à la Wagner pour caractériser les personnages, du jazz pour Frank, le mari, une musique plus lyrique pour sa femme. Et puis, il y a les voisines à qui Cathy ne peut pas se confier, comme Eleanor qui scatte un peu. Nous voici par exemple là à une cocktail party organisée par Cathy chez elle. Elle est entourée de ses amis et puis chacune parle de sa petite vie sexuelle. All right now, girls. Let's get back to the real topic at hand. And no more beating around the bush. Nancy. I can't. Come on. Spill it. Well, a man don't need soft music and lights, long as he gets connubial rights. So one so weak on Saturday. Alice. Good girl, Nancy. What about you, Doreen? Doreen. A man like mine has regular needs. Thursday he bowls, on Sunday he reads, and Friday night he plants a few seeds. Nice. That's called marital. Oh! Bliss. Don't you agree, Kathy? Me? Well, yeah, with that dreamboat Frank. So athletic. Oh, I don't know. Frank and Kathy sitting in a tree. Blank, blank, blank, blank, I-N-G. On your mark, aim that arrow. Keep your Cupid on the straight and narrow. Come on, Kathleen, you gotta give us something. With that, Frank, I bet you they're having it twice a week. I suppose just normal. Normal? You believe this girl? Connecticut's own Jane Wyatt. She's not giving us anything. Oh, really? Nothing unusual. Just like most couples, probably. I guess. You're just the same as any wife is. Far as the birds and bumblebee biz. Since we get his paycheck, let him get his. We and it's his. Manja, manja, work that conjugal. Horse and carrot, that's called marital bliss. Thanks for lunch, Kathy. Marital bliss. Time to lead Girl Scouts. Marital bliss. The chicken supreme was divine. Marital bliss. See you at the art show Saturday, Al. Marital bliss. Yes, see you there, hon. Le plus émouvant moment dans l'adaptation du film de Todd Haynes en comédie musicale, Loin du paradis, c'est à la fin du premier acte. Cathy, on l'a dit, c'est une femme mariée, mère de deux enfants qui s'ennuie à mourir dans sa très belle propriété proprette d'une banlieue du Connecticut. Sa maison est astiquée du sol au plafond, c'était particulièrement visible dans le décor de la comédie musicale. Et puis elle se lie d'amitié avec un jardinier noir. Ils visitent ensemble des musées à la surprise des autres visiteurs. Et Cathy interroge innocemment Raymond. Qu'est-ce que cela fait d'être le seul noir parmi des blancs dans un musée ? Cette chanson dure 6 minutes, c'est une chanson en deux séquences en fait, d'abord au musée, puis dans un bar où l'emmène Raymond, où elle sera la seule personne blanche. Ils se mettent alors à danser. Ever since running into you at the exhibition, well, I just kept wondering what it must be like. What does it feel like being the only one? You mean colored? Looking for kindred spirits and finding none. No one made you welcome and nowhere to run. Being as you're the only one. Well, I suppose it's something you sort of grow accustomed to over time. I go to places where everyone's faces. Does indeed look like me, or I'm not the only one. But let me ask you something. Are you hungry? I mean, could you eat something? I suppose I could. Tell you what, let me take you to one of my favorite spots. It's not too far from here. On good days, they got hot food, cold drink, and just about discernible music. Well, it's hard to beat that. There you go. Thank you. Raymond? Don't worry. This is a very friendly place. What do you think you're doing, boy? There. See what I mean? What does it feel like being the only one? Oh, I see. Looking for kindred spirits and finding none. Funny when you're the loner, it ain't too much fun. Knowing that you're the only one. Given my druthers, I get on with others, but others keep drawing a line. How does it feel for a change, standing apart from the group? Out of the loop. Well, here's to being the only one. Really, we don't have to stay if you're not comfortable, Mrs. Whittaker. Mrs. Whittaker, it sounds so formal. Would you... What I what? Ask me to dance. Getting back now, do you think? Of course. Orbiting like two planets, the moon and the sun. After it's all been said and done, maybe we're not the only one. It's me, dear. Here getting my engine repaired, and well, you know, I'm not one to spread gossip, but you'll never guess who just turned up on the wrong side of the tracks. Isaiah Johnson, Kelly O'Hara, The Only One. Alors un autre moment émouvant de cette comédie musicale inspirée du film de Todd Haynes, Loin du paradis, c'est la crise de nerfs de la jeune femme. Cathy qui exprime à la fois sa fureur et sa frustration alors que son mariage se désintègre et qu'elle ne peut plus voir cet homme noir à cause du candidaton. Mais maintenant, chante-t-elle dans une chanson intitulée Tuesday, Thursday, maintenant que mon monde s'effondre, que mes vœux d'amour, d'honneur et d'obéissance sont balayés, comment affronter demain? I got a call from Dick yesterday. He said everything was all set. Papers drawn up. Oh, I see. He wanted to know how Wednesday was for you. 3 o'clock sometime. I told him I thought Wednesday might be carpool, but I wasn't absolutely certain, so I said I would check. Tuesdays, Thursdays, you never could remember. That's right, Tuesdays. Tuesdays. And of course, Thursdays. Thursdays, they've always been the same. Each Tuesday, Thursday, beginning in September. Brownies, Cub Scouts, school play tryouts. Well, you see, Kathy, the thing is, in order for the settlement to take effect, documents need to be signed before we can move ahead with the divorce. Ball games, bridge games, those civic dinner dances, checkups, haircuts. cats, too numerous to name, and birthdays, snow days, even the home finances, Christmas, summers, painters, plumbers. And of course, the children's education will be adequately covered by a provision which assures that any college expenses will absolutely be taken care of. But no. Kathleen. Yes. I'm here. Oh. Okay, then. Great. Wednesday it is. Wednesday. I'll see you then at Dick's office, 3:00, for the papers. Papers? Yes. Okay. Goodbye, Kathy. On vous recommande cet album, l'adaptation en comédie musicale de Loin du Paradis, Far From Heaven. C'est paru chez PS Classics avec Kelly O'Hara et Steven Pasquale. Et puis on vous recommande actuellement en salle le très beau film de Todd Haynes qui s'intitule Carole. L'actualité des comédies musicales à Londres avec notre partenaire Eurostar, eh bien c'est d'abord l'autre comédie musicale des auteurs de cette comédie musicale dont on vient d'entendre des extraits. Ça s'appelle Grey Gardens, ça se joue au Southwark Playhouse avec deux grandes actrices britanniques, Jenna Russell et Rosie Henshaw. Et puis, il y a aussi une nouvelle comédie musicale à Londres, ça s'intitule Joue-la comme Beckham. C'est inspiré du film de 2002, Joue-la comme Beckham, histoire d'une ado issue d'une famille indienne qui rêve de devenir footballeuse et qui se heurte aux traditions et à la volonté de ses parents. Voilà, c'est une jolie fable à la Billy Elliot sur le choix qu'on doit laisser libre à ses enfants et puis sur des parents qui comprennent pas toujours leur progéniture. Un feel good musical, comme on dit, punchy, qui joue sur la confrontation à la fois chorégraphique, visuelle et musicale entre la tradition indienne et le monde du football et le monde plus moderne. Le compositeur Howard Goodall, aidé de Charles Hart, qui est pour la petite histoire le parolier du fantôme de l'opéra, mélange du coup musiques indiennes, bollywoodiennes et techno, comme au début lorsque tout démarre dans un supermarché un samedi après-midi où tout le monde se croise. Saturday morning in Southall Broadway, so many glories in store. Saucepans and sorries and scented candles, hoovers and hoodles with dented handles, bangles and bhangra and more. What else are Saturdays for? What else are Saturdays for? Saturday's joys, just some of Saturday's joys. Bandit Like Beckham à découvrir jusqu'au 5 mars à Londres au Phoenix Theatre. À noter aussi sur la chaîne OCS un documentaire en 3 parties, la saga des comédies musicales signé Bertrand Tessier et Hugues Desrosières. Ça raconte tout simplement l'histoire de la comédie musicale au cinéma avec des interviews entre autres de Patricia Kelly qui fut la femme de Gene Kelly. C'est sur la chaîne OCS. Plus d'infos sur tout cela, la programmation musicale, le podcast, vous le savez, rendez-vous sur francemusique.fr et notez notre prochain cabaret 42e rue, ça sera jeudi 28 janvier à 19h avec la troupe de Kiss Me Kate. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière, préparée par Martine Monnier avec Alexandre Billard, Thomas Bizeau, François Pron et à la réalisation Perrine Mingui. Rito. Le dimanche à 20h30 sur France Musique, Label Pop se promène dans la riche actualité de la pop moderne et vous en propose le meilleur au fil des nouveautés et des rééditions avec toujours des sessions et des invités de tous horizons, chacun avec un angle d'approche qui lui est propre et qui nous importe. Label Pop Vincent Théval, c'est le dimanche à 20h30 sur France Musique. Un week-end en compagnie de Korngold, le compositeur de la célèbre ville morte. Les 29, 30 et 31 janvier à la Maison de la Radio. Opéra, leader, cabaret, musiques anciennes, musique de film. Avec Mico Franck, Sophie Janin, l'orchestre philharmonique, le chœur et la maîtrise de Radio France et de nombreux invités. Réservation 01 56 40 15 16 et maisondelaradio.fr/concert-classique. Korngold de Vienne à Hollywood. Voyage avec un musicien surdoué.